J'sais pas si c'est le hasard. Dans ma tête c'est le bazar. J'vais pas te jouer de la flûte. C'est vrai qu'avant toi j'en ai connu plus d'une. Mais t'as ce truc en plus. Le genre qui fait tomber même les cœurs les plus durs. Toi t'es pas comme les autres. Moi j'ai quelques problèmes avec les histoires de love. Souvent j'ai tendance à me vautrer. Mais ça c'était avant de te rencontrer. Oh. Partout je t'ai recherché tout le temps. Je t'ai attendu, maintenant que je t'ai trouvé, je ne te lâche plus. Je sais pas si c'est le hasard qui t'a mis sur mon passage. Dans ma tête c'est le bazar. Je sais pas si je dois me taire. Je sais pas si c'est le hasard qui t'a mis sur mon passage. Dans ma tête c'est le bazar. Je sais pas si je dois me taire pour te dire que je t'aime. Je suis pas le mec parfait ni le genre idéal. Mais l'amour parfait c'est pour les cinéastes. Je peux t'amener au bout du monde, faire les plus belles vidéos, t'écrire les plus belles chansons comme Billy et Phineas. Moi j'ai toujours rêvé tout donné. Mais où t'étais? Maintenant c'est à toi que je vais tout donner. C'est toi ma reine. Partout je t'ai recherché tout le temps. Je t'ai attendu, maintenant que je t'ai trouvé, je ne te lâche plus. Je sais pas si c'est le hasard qui t'a mis sur mon passage. Dans ma tête c'est le bazar. Je sais pas si je dois me taire. Je sais pas si c'est le hasard qui t'a mis sur mon passage. Dans ma tête c'est le bazar. Je sais pas si je dois me taire pour te dire que je t'aime. C'est le bazar dans ma tête. Vas-y dis-moi si t'es prête pour toute la vie. C'est le bazar. Je sais pas si c'est le hasard qui t'a mis sur mon passage. Dans ma tête c'est le bazar. Je sais pas si je dois me taire ou te dire que je t'aime.